remercie pour cette initiative et cette invitation qui, en effet, nécessite le contexte d'être multiplié, notamment dans le champ universitaire. Effectivement, on a touché aux questions de fond qui vont nécessiter et qui doivent d'être réinterrogées, re-questionnées pour, en effet, trouver une voie qui puisse s'opposer à ce qui est en train de continuer à monter avec force et que nous connaissons dans le contexte actuel. Oui, donc Farid Benahi, militant pour l'égalité des droits et contre le racisme depuis à peu près 25 ans, à peu près une trentaine d'années, plus particulièrement la question de l'antiracisme et un peu le terrain sur lequel dire, je me suis plutôt d'égalité des droits effectivement concentré et notamment à travers la question des quartiers mais aussi la question des Roms, ce qui en effet en tant que militant vu les politiques que nous appelons donc les politiques de racialisation qui sont menées depuis un certain temps face finalement au peu de force citoyenne et engagée contre cette lutte-là sur la question multiple, hein, la question de la homophobie, la question de l'islamophobie, la question de la négrophobie, mais plus particulièrement sur la question de la homophobie, parce que c'est vrai que ces dernières années, c'est sur ce terrain-là que j'ai un peu investi ma militance. C'est vrai qu'on s'est rendu compte de la violence des politiques publiques qui étaient exercées à l'encontre des familles finalement pauvres. Violence méthodique, froide, mais qui effectivement est des soubassements idéologiques qui nous viennent de loin et en cela qu'on peut absolument articuler avec la question post-coloniale. C'est pour ça qu'elle m'a tant parlé et très rapidement, j'ai senti la nécessité de re-questionner le discours, les mots autour des questions de l'antiracisme, parce qu'il me semblait que ce qui était un peu habituel en termes de discours ne correspondait plus avec le racisme finalement qui s'abattait, qui s'exprimait à travers les élus, à travers les médias, à travers les discours, à travers les politiques, qui soient dans un large éventail, hein, puisque et en cela, c'est vrai que la question Rome est un révélateur, un révélateur très qui concentrait un petit peu tous ces aspects-là, mais d'une façon frontale. Et donc, connaissant un peu les autres champs de lutte de fait dans mon parcours, c'était la question, c'était comment converger finalement, comment créer des passerelles, comment ne pas rester, bien que il y a des particularités, on est quand même c'est les mêmes logiques qui sont en œuvre, c'est quelque part les mêmes politiques, même si les populations entre guillemets dites, enfin Roms, étaient le plus, on va dire, le plus frappé, avec par exemple, on peut donner un exemple d'expulsion de familles avec enfants malades, bébés, etc., en plein hiver. Même la trêve hivernale n'est pas respectée. Et bien que le discours mettait en avant des circulaires, etc., des diagnostics sociaux, etc., etc., en vérité, sur le terrain, il n'en était absolument pas question. Voilà, c'était le plus souvent les associatifs, les citoyens, qui, à travers des solutions ad hoc ou des mobilisations, interpellaient les préfets, les conseils généraux, etc., pour pouvoir mettre ces pauvres gens, on va dire, à l'abri, ou tout simplement mettre devant les autorités, les collectivités, les autorités, devant leur obligation, finalement, de protection des enfants, autour de la scolarité, etc., etc. C'est même ça, même le droit était pas faux, s'agissant des Roms. Donc, effectivement, reprenons l'initiative contre les politiques de racialisation, en tout cas en tant que membre de l'équipe d'animation, pour moi, partait de cette nécessité de comment on fait front, comment on s'organise par rapport à ça, parce qu'on voit bien que la dispersion, l'isolement, finalement, aboutit le plus souvent chez les militants à lâcher prise, parce que quand ils se rendent compte de la dureté, qu'ils ont à affronter sur le terrain. Et je connais plein de militants qui n'ont pas le même parcours, qui ont des parcours un peu différents, qui font des burning out ou des dépressions parce que ils ne s'imaginaient pas qu'en France cela puisse arriver. Et avec des profils vraiment différents, mais une telle brutalité, je ne pensais pas que c'était possible. Et donc, reprenons l'initiative, c'est effectivement comment articuler cette question des politiques de racialisation avec les questions de domination sans pour autant assujettir l'une à l'autre, mais bien parce que justement dans le passé on a bien vu que cette question-là était subordonnée à la question de classe, mais qu'en réalité elle n'a jamais été réellement suffisamment à l'agenda des organisations politiques, émancipatrices, etc., qui était plus sur réglant les questions de classe et les questions de race disparaîtront. Or, nous, on ne peut pas dépasser une réalité sans la nommer, à un moment donné. Sans la nommer, et ça commence par dire, l'islamophobie, ça existe, il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences humaines, le racisme tue, oui, le racisme est systémique, c'est pas que le Front National, etc., oui, il est structurel, oui, ça a des conséquences sur les racisés, mais pas seulement, sur des, entre guillemets, les blancs aussi. À ce titre-là, j'enverrai ce que disait Aimé Césaire à ce propos, ou François Fanon. Et donc, il s'agissait de porter le débat là où ça peut, on peut encore avoir des échanges sur cette question-là, de tenter de dépasser un peu les verrous, ce que nous appelons les verrous de la pensée, qui restent sur une ligne un peu d'antiracisme, un peu universaliste, un peu abstrait, mais qui nomme pas les réalités, qui ont du mal à dire oui, l'islamophobie, etc., y compris sur la notion, nous on est assez tranquille avec la notion de racisme d'État, et pour autant autant, c'est vrai que cette question-là fait aussi débat. Donc, une nécessité dans Reprenons l'initiative, et moi je vous invite, il y a plusieurs textes, à aller sur reprenons.info, où on a fait un forum. L'idée c'est de faire un forum tous les ans, en élargissant à chaque fois le plus possible, avec des animateurs de Front des Luttes. L'idée aussi, c'est cette année, il va y avoir 3 forums en région, puis un autre forum, etc. Il y a des vidéos d'intervention du forum et pas mal de textes sur reprenons.info. Donc vraiment, l'idée, c'est de... Il y a 2 injonctions, en fait. C'est, 1, mener le débat. Partout, c'est possible, à ce titre. On a rencontré plusieurs grandes associations qui souhaitaient, c'est quoi cette histoire, un collectif de racialisation, on n'a pas trop ce mot-là, etc. Donc, bon, mais au moins qu'on ait eu la démarche de nous dire, on en discute. Donc, et puis, par ailleurs, par la suite, on signait, donc reprenant l'initiative, c'est un réseau, mouvement qui regroupe des militants et qui regroupe aussi des associations. Comme le GISTI, par exemple, ou d'autres associations de quartier. Voilà ce que je peux dire par rapport à reprendre l'initiative. Et d'autre part, peut-être je vais dire un mot articulé sur je suis également militant du Front Uni des Immigrations des Quartiers Populaires, où cette question est centrale, puisqu'on est un peu l'héritier des luttes, des immigrations et des quartiers populaires. Donc vraiment, on s'inscrit dans cette veine-là. Le Front existe depuis 4-5 ans. Il est né de la convergence des rencontres nationales des luttes de l'immigration et du Forum social des quartiers populaires. C'est 2 temps assez forts de nationaux qui chaque année s'inscrivent à un agenda. Et il est né, ce front-là est né de cette volonté, en tout cas, d'élargissement, de mouvement, de réseau, de s'unir pour ne pas subir.